Dis-moi, pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne succomberai pas, ça change des autres fois, mais tu verras. Watch this. Elle t'a dit no ou elle t'a dit go. En une seconde t'as compris le topo. Mais c'est elle t'a dit no ou elle t'a dit go. C'est une bombe qui t'a pas le niveau. Mais c'est elle t'a dit no ou elle t'a dit go. En une seconde t'as compris le topo. Mais c'est elle t'a dit no ou elle t'a dit go. C'est une bombe qui t'a pas le niveau. Si tu lui dis excusez-moi, pardon mademoiselle, je vous mate du fond, elle vous trouve vraiment belle. Je mettrai de la sauce blanche sur vous comme un fait la fête. La garçon en scalpel et elle te la coupe gars. As-tu besoin d'un mâle jolie femelle? Tu j'aime le miel, j't'appellerai Maya l'abeille. Fais ce que j'te dis, à commencer par la vaisselle. Lors d'un dîner, gros chandelle, c'est toi qu'elle bouffe. Dis-moi, pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne succomberai pas. Ça change des autres fois, mais tu verras. Si tu viens me parler correctement, tu le sais. J'aime à être respecté. Laisse-moi décider. Décider de qui, de quoi, décider pour qui. Pourquoi t'es habillé comme Pamela? C'est pour qui, si c'est pas pour moi? Ne réfléchis pas, n'écoute que ma voix. Dis-moi ce que tu vois, un beau gosse ou pas, écoute, girl, tu me saoules. Tu recales, pas cool, tu ravales mes boules, j'avais besoin d'une poule. T'as pas compris que je suis le mec qu'il te fallait. Traite-moi de mythomane pendant que tu guillais. Elle t'a dit no ou elle t'a dit go. En une seconde t'as compris le topo. Mais c'est elle t'a dit no ou elle t'a dit go. C'est une bombe qui t'a pas le niveau. Dis-moi, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'as toujours pas compris comment faire pour charmer cette lady. Tu fais tout le contraire de ce que je t'ai dit. Toujours la queue en l'air comme un chacal de tes si. Si tu lui fais excusez-moi, pardon mademoiselle, mais dès que je te vois, faut que te roule une pelle. Je t'emmènerai jusqu'au septième sous-sol. Obligé, elle devient folle. Mais dis-moi, elle t'a dit no ou elle t'a dit go. En une seconde, t'as compris le topo. Mais c'est elle t'a dit no ou elle t'a dit go. C'est une bombe qui t'a pas le niveau. Mais c'est elle t'a dit no ou elle t'a dit go. En une seconde, t'as compris le topo. Mais c'est elle t'a dit no ou elle t'a dit go. C'est une bombe qui t'a pas le niveau. Pour toutes les girls sur la place qui n'aiment pas les regards tenaces, c'est une spéciale dédicace pour les cousines qui bougent sur la basse. Red prend le mic pour les girls sur la place qui n'aiment pas les regards tenaces, c'est une spéciale dédicace pour les cousines qui bougent sur la basse. Red prend le mic. Dis-moi, pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne suis respect, toutes les ladies dans la boîte, c'est respect. Toutes les cousines, toutes les frangines, original ragamuffin.